La puce. Puce, amis, amantes même, qu'ils sont cruels ceux qui nous aiment. Tout notre sang coule pour eux. Les bien-aimés sont malheureux.